Les leçons du Collège de France. Bonjour, eh bien, nous allons poursuivre notre exploration du Pléistocène d'Afrique en revenant vers l'Afrique du Sud et après avoir examiné les formes d'Australopithèques d'Afrique de l'Est et du Centre, nous allons retourner vers les lieux où le genre Australopithecus a été découvert pour la première fois et aujourd'hui explorer les formes dites graciles d'Australopithèques d'Afrique du Sud. C'est donc Raymond Dart qui, s'appuyant sur un petit crâne qui avait été découvert en 1924 en Afrique du Sud, dans la région de Tong, qui a créé en 1925 le terme Australopithecus africanus dans un article fameux de Nature. Et rétrospectivement, enfin, si on tient compte des connaissances de l'époque et de ce que l'on avait comme matériel paléontologique, les descriptions de Dart, l'analyse de Dart est assez remarquable, hein, surtout si on tient compte du fait que ce crâne de Tong était le crâne d'un individu très très jeune. Mais Dart, dès cette première publication, a su reconnaître des caractères très importants qui séparaient ce petit crâne d'un crâne de jeune grand singe. D'abord, il a insisté sur la taille relative de la face par rapport à la boîte crânienne. Il a aussi remarqué des différences dans la denture et en particulier la hauteur des couronnes des canines qui était nettement plus faible que ce que l'on trouvait chez les grands singes. La faible taille aussi du diastème, c'est-à-dire de l'espace qui se trouve entre les canines supérieures et les incisives latérales supérieures et qui laisse la place à la pointe de la canine. Enfin, la taille du corps mandibulaire, il a aussi reconnu qu'il était différent de celui d'un jeune grand singe. C'était un corps qui était robuste, mais avec une symphyse qui était beaucoup plus verticale. Et puis enfin, la position du foramen magnum indiquait une station bipède. Alors, il a aussi reconnu sur l'endocrâne la position du sulcus lunatus. Vous en souvenez certainement parce qu'on a évoqué ça lors du dernier cours. C'est ce sillon sur la face interne du crâne qui est censé marquer la limite entre les aires visuelles de l'arrière de l'encéphale et puis les aires pariétales. Et donc, Dart croyait voir qu'un sulcus lunatus en position relativement reculée, et donc une expansion de ces aires pariétales au détriment des aires visuelles. Bon, on sait aujourd'hui, c'est ce qu'ont montré des études d'endocrâne d'Australopithèque beaucoup mieux conservées, qu'en fait, cet encéphale est quand même essentiellement un encéphale de grand singe, en tout cas, sinon par sa taille, qui est supérieure, mais en tout cas, cette distribution des sillons est assez similaire. Cet Australopithecus africanus, on l'a ensuite trouvé dans d'autres sites sud-africains, et aujourd'hui, on le connaît dans quatre sites. Alors, le site de Tong, évidemment, un site qui se trouve dans le nord de l'Afrique du Sud, qui s'appelle Makapansgat, et puis, dans cette région qu'on a appelée le berceau de l'humanité, et qui est dans la région de Pretoria, Johannesburg, où se concentre toute une série de sites. Et là, on a deux sites, un qui est très important, on va beaucoup en parler, qui est le site de Sterkfontein, et puis plus au nord, le site de Gladysvall. Alors, tous ces sites dans lesquels Australopithecus africanus a été découvert, ce sont des sites qui sont des dépôts dans des formations karstiques. C'est-à-dire que dans cette région, on a un substrat qui est un substrat carbonatées, des calcaires, des dolomies. Et dans ces calcaires et ces dolomies, l'action de l'eau, sa circulation, provoque la création de cavités qui, au fil du temps, s'agrandissent jusqu'à s'ouvrir vers l'extérieur par une sorte de cheminée, d'abord assez étroite, puis de plus en plus large. Et cette ouverture vers l'extérieur entraîne un afflux de sédiments qui va s'accumuler dans la cavité. Alors, les carnivores fréquentent le lieu. Ces carnivores accumulent des carcasses de leur proie dans ces sédiments, et c'est dans ces ensembles que l'on trouve les restes d'Australopithèque. Alors, par la suite, les cavités finissent par se combler complètement. Tous ces sédiments se cimentent sous forme de brèches qui sont parfois très, très dures. Et puis, l'érosion fait son œuvre et fait descendre la surface vers ces dépôts solidifiés qui remplissent la cavité. Et donc, ce sont ces dépôts qui ont été exploités pour en extraire surtout de la chaux qui est nécessaire au traitement du minerai d'or. C'est comme ça que beaucoup de ces sites ont été découverts, détruits aussi par cette exploitation. Donc voilà à quoi ressemble un de ces sites. C'est celui de Sterkfontein, dont on va parler aujourd'hui. Donc une ouverture vers l'extérieur de toutes ces cavités. Et puis à l'intérieur, une grotte, en général, assez complexe. Vous voyez ici le plan du réseau de Sterkfontein avec un réseau qui est adjacent, donc quelque chose qui est assez compliqué, qui s'organise en fonction de failles, de diaclases qui ont été agrandies par l'érosion. Il y a des cavités ouvertes avec des spéléothèmes, hein, stalactites, stalagmites. Et puis, il y a surtout une stratigraphie très, très compliquée qui s'installe avec tantôt des dépôts de brèches, tantôt des dépôts de planchers stalagmitiques, mais qui ne sont généralement pas organisés dans une succession très, très simple. Pourquoi ? Parce que dans ces cavités, eh bien, il peut se produire tout un tas de choses. Des sédiments peuvent être érodés après leur dépôt, remplacés par d'autres sédiments plus récents qui peuvent se retrouver en position géométriquement inférieure, donc qui donnent l'illusion d'être plus anciens. Et en général, ces sites montrent des structures qui sont très compliquées. Voici à gauche un schéma très simplifié du remplissage de Sterkfontein, et d'une cavité qui se trouve juste à côté de la cavité principale qu'on appelle Silberberg-Grotto. C'est un schéma très simplifié, parce que là, en fait, l'auteur a montré des membres. On a numéroté ces dépôts, membre 1, membre 2, membre 3, membre 4, membre 5. Dans la réalité, vous allez voir, on va avoir un exemple tout à l'heure, c'est assez compliqué. Donc c'est une situation qui est très différente de celle que nous avons rencontrée en Afrique de l'Est. En Afrique de l'Est, on avait, sur des étendues de temps assez longues, des dépôts qui étaient des dépôts réguliers, alors qu'ils pouvaient être parfois perturbés par l'activité tectonique, des failles, des compartiments qui montaient, qui descendaient. Mais en général, on a une suite de couches sédimentaires assez régulières qui, de plus, sont entrecoupées de dépôts volcaniques. Donc on a des dépôts lacustres, des dépôts fluviatiles, des dépôts volcaniques. Tout ça forme une succession qui est assez, j'allais dire, facile en général à interpréter par les géologues. Et puis surtout, ce qui est très important, c'est que dans ces sites est-africains, eh bien, on peut utiliser notamment les dépôts volcaniques, les tubes volcaniques, pour obtenir des datations radiométriques très, très précises. Et donc, les australopithèques est-africains sont en général très, très bien datés. Et c'est une situation que malheureusement on ne retrouve pas dans ces karstes sud-africains. C'est-à-dire que non seulement on a une structure des sites, une stratigraphie qui est assez compliquée à débrouiller, mais en plus on est relativement désarmé en termes de méthode de datation pour résoudre la chronologie de tous ces sites, les uns par rapport aux autres, et même à l'intérieur d'un site, pour comprendre parfois la formation de ces sites. Les méthodes qui sont utilisées en Afrique de l'Est, dans les dépôts volcaniques, sont pour la plupart inopérantes dans ces sites sud-africains. Et donc, depuis leur découverte, on s'est appuyé sur un certain nombre de méthodes qui ont leur valeur, mais qui ont aussi leurs limitations. Et on le verra au cours de cet exposé aujourd'hui. Alors, la première méthode qui a été utilisée pour dater tous ces sites, c'est de la biostratigraphie. C'est-à-dire, en gros, l'étude de la succession des faunes au cours du Pliocène et du Pléistocène. Ensuite, c'est de la magnétostratigraphie. On en a déjà parlé, c'est l'utilisation des inversions du champ magnétique terrestre pour dater des sédiments. Les spéléothèmes, quand ils sont relativement purs, quand ils forment des systèmes fermés, permettent des datations en utilisant des méthodes radiométriques. Alors, les méthodes qui sont utilisées dans le Pléistocène moyen ou le Pléistocène supérieur, en Europe, par exemple, ici, ne sont pas applicables parce qu'on est dans une tranche de temps qui est beaucoup plus ancienne. Donc, c'est surtout des méthodes uranium-plomb qui peuvent être utilisées. Ensuite, on a utilisé aussi des éléments cosmogéniques comme l'aluminium-26 et le beryllium-10 pour dater certains dépôts. Et puis, enfin, la résonance électronique de spin, l'ESR. Alors, voyons rapidement ces méthodes et les problèmes qu'elles peuvent poser. Historiquement, c'est la faune qui a été utilisée en premier. Voilà des figures qui sont tirées de publications des années 1970 par Elisabeth Verba, qui a beaucoup travaillé notamment sur les bovidés en Afrique du Sud. Et donc, l'idée qui était derrière ces travaux, c'était de reconnaître des zones chronologiques dans lesquelles différentes espèces de bovidés étaient présentes, absentes, présentes en grand nombre ou rares au contraire. Et puis, ensuite, de regarder ce qu'on connaissait en Afrique de l'Est comme faune comparable, et en Afrique de l'Est, donc, on avait déjà une chronologie relativement fiable, basée sur des datations radiométriques. Et donc, en utilisant cette correspondance, d'essayer de dater ces formations karstiques sud-africaines, enfin les remplissages de ces cavités karstiques. Alors, au-delà des travaux d'Elisabeth Verba, qui sont anciens maintenant, on a regardé toutes sortes d'autres formes fossiles que les bovidés. Et disons que dans l'ensemble, toutes ces dates, enfin toutes ces chronologies fondées sur la paléontologie des mammifères suggèrent que les sites à Australopithecus africanus se situent grosso modo entre 2,4 et 3 millions d'années. Vous allez voir que les autres méthodes donnent des dates qui peuvent être relativement différentes et qui débordent de cette fenêtre de 2,4 millions à 3 millions d'années. Alors, un problème qui se pose avec les faunes, c'est celui, dans le fond, de l'accumulation de ces faunes sur des périodes de temps qui peuvent être relativement longues. Pourquoi ? Eh bien, parce qu'on utilise ces assemblages fauniques non seulement pour faire de la biostratigraphie, mais aussi pour tenter de reconstituer le genre d'environnement dans lequel ces hominines anciens ont vécu. Et notamment, on s'intéresse à cette montée de l'aridité dont on a parlé plusieurs fois en Afrique au cours des derniers 2,5 millions d'années. Dans les zones tropicales et subtropicales, en fait, les variations climatiques sont essentiellement dominées par l'influence des cycles de précession des équinoxes, qui sont des cycles beaucoup plus courts que les cycles astronomiques qui commandent les variations climatiques dans les moyennes latitudes, notamment les grands cycles glaciaires en Europe. Donc ce cycle de précession des équinoxes, c'est un cycle de 21 000 ans. Et vous voyez que c'est un cycle assez court avec des variations importantes dans des laps de temps relativement courts, en tout cas pour ce qui est de notre résolution stratigraphique dans ces sites. Et juste pour vous donner un exemple, voilà un schéma qui est tiré d'une étude de Hopley et Maslin de 2010 et qui vous donne ces barres noires qui sont des résultats isotopiques mesurés sur des carnivores du membre 4 de Sterkfontein. Et vous voyez que les valeurs isotopiques pour le carbone 13, qui est censé exprimer le caractère plus ou moins ouvert ou au contraire plus ou moins arboré de l'environnement, eh bien, ces valeurs couvrent une très très large tranche de valeurs et recouvrent des modèles qui sont des modèles construits pour des environnements plutôt de plantes en C3, c'est-à-dire des environnements relativement couverts, et des environnements de plantes en C4, c'est-à-dire des environnements de savane relativement sèches, enfin des milieux ouverts. Et donc la conclusion qu'on peut tirer de ça, c'est qu'il est très probable que les carnivores qui ont été mesurés dans ce membre 4 de Sterkfontein, eh bien, ont vécu sur une période de temps qui couvre plusieurs de ces cycles. Et donc ça, c'est assez embêtant parce que même si on peut évidemment utiliser ces carnivores pour faire de la biostratigraphie, ça montre quand même que les faunes qu'on va trouver dans le membre 4 sont probablement un mélange de faunes qui correspondent à des environnements qui se sont succédés dans le temps et qui n'expriment pas forcément à un moment déterminé une variété aussi grande que les espèces représentées pourraient le laisser croire. La magnétostratigraphie, donc, c'est l'utilisation de cette succession d'inversions du champ magnétique terrestre au cours du temps. Donc, le champ magnétique terrestre, il est normal, c'est-à-dire comme maintenant, et c'est ce qui est représenté par ces bandes noires. Donc, il était normal au cours des derniers à peu près 800 000 ans. Et vous voyez que quand on remonte dans le passé, eh bien, il a été inverse, ces périodes blanches, ou normales, de façon un petit peu aléatoire, avec en plus ce qu'on appelle des événements qui viennent interrompre ces périodes assez longues, et ces événements peuvent être assez brefs. Alors, dans quelle mesure on peut utiliser ça pour faire de la chronologie ? Ben, ma foi, c'est assez difficile. C'est-à-dire que si on a une date présumée pour un dépôt, on peut essayer de regarder dans cette échelle si les données paléo-magnétiques dans le fond, sont compatibles avec la date qu'on a ou pas. Et puis, si on reconnaît dans les dépôts une inversion dans un sens ou dans l'autre, ou un événement assez bref, on peut essayer de le reconnaître dans la succession qui est bien connue par ailleurs. Le problème avec ça, c'est que, évidemment, cette succession de touches noires et blanches, on peut la faire glisser assez facilement et toute seule, la magnétostratigraphie est rarement capable de donner des dates très précises pour des sites du type de ceux dont on parle aujourd'hui. Alors, les spéléothèmes peuvent être datés. On a beaucoup utilisé ces dernières années en Afrique du Sud la méthode uranium-plomb. Donc, on étudie la transformation de l'uranium-235 en plomb 207 à travers une longue chaîne d'éléments, et puis la transformation de l'uranium 238 en plomb 206. Et sont des l'uranium 235 et 238, ce sont des éléments qui ont un temps de demi-vie, c'est-à-dire une période au cours de laquelle la moitié des atomes se transforment dans l'élément suivant de cette chaîne de désintégration. Donc des périodes de demi-vie qui sont très très longues. Pour l'uranium 238, c'est près de 4 milliards et demi d'années. Pour l'uranium 235, 710 millions d'années. Ce sont des techniques comme celle-là qui ont été utilisées pour dater les dépôts les plus anciens sur Terre et même l'âge de la Terre, hein, l'âge des roches les plus anciennes. Alors on peut utiliser ces méthodes-là pour des âges autour de 2-3 millions d'années avec une certaine précision. Tout le problème de l'utilisation de cette méthode uranium-plomb, c'est d'être certain, quand on date un spéléothème, que ce spéléothème est dans des relations géométriques parfaitement claires et dans des relations chronologiques parfaitement claires avec les fossiles qu'on veut dater, ce qui n'est pas toujours le cas. J'ai évoqué les éléments d'origine cosmogénique, l'aluminium 26 et le beryllium 10. Alors, ce sont des éléments qui sont très rares et qui sont produits par l'action de rayons cosmiques qui ont une très très grande énergie cinétique, essentiellement des protons, hein, qui sont capables de briser des noyaux d'éléments relativement gros, comme l'oxygène, le calcium, le silicium, et de produire, par un phénomène que l'on appelle la spallation, ces éléments beaucoup plus rares, qui ont un temps de demi-vie assez long eux aussi. Pour le beryllium-10, c'est 1,5 million d'années, par exemple. Et donc, ces éléments formés par spalliation, on étudie ceux qui se forment dans des quartz, et si ces petits quartz sont très rapidement enfouis, très peu de temps après avoir été exposés à ces rayons cosmiques, et surtout assez profondément pour que l'action des rayons cosmiques au cours du temps ne se fasse plus sentir, disons au-delà de 3 ou 4 mètres de profondeur dans le sol, eh bien, à ce moment-là, on a là une méthode de datation. Alors, c'est une méthode de datation qui est encore un petit peu, parfois expérimentale dans ses résultats. Pourquoi ? Eh bien, parce qu'il y a des problèmes notamment de circulation d'éléments fins qui peuvent se promener dans le sol, en particulier dans un karst. Il y a aussi des problèmes pour déterminer la quantité originelle de ces éléments. Donc, il y a pas mal de discussions sur les dates produites avec cette méthode-là. Donc, voilà quelles sont les armes dont on dispose. Ça peut paraître impressionnant, mais vous verrez que dans la réalité, eh bien, on a des chronologies qui sont des chronologies beaucoup plus difficiles à établir que les chronologies des sites est-africains. Donc, Australopithecus africanus, qui avait été décrit par Raymond Dart sur les restes de Tongue, ont été découverts ensuite dans ce site de Sterkfontein, que je vous ai déjà montré. Et c'est Robert Broom qui, en 1936, a annoncé la découverte d'un nouveau crâne, celui-ci, qui est numéroté TM1511. Et qui est associé à un moulage endocrânien naturel qui s'appelle STS-60. Alors, lors de cette découverte, Broom a assez rapidement pensé que ça pouvait être quelque chose qui était lié à ce petit crâne de Tongue décrit par Dart, mais il a quand même créé une nouvelle espèce. Et donc, il a appelé ce nouveau fossile Australopithecus transvaalensis, donc l'Australopithèque du Transvaal, non pas l'Australopithèque africain. Et puis, assez vite, en fait, en 1938, il a même créé un nouveau genre qu'il appelait Plesiantropus. Et donc, c'est ainsi qu'on s'est retrouvé à côté de Australopithecus africanus avec un Plesiantropus transvalensis. Pendant la guerre, les travaux à Sterkfontein ont été pratiquement arrêtés et ils ont repris en 1947, menés par Broom et son assistant John Robinson, beaucoup plus jeune. Et donc là, il y a des spécimens très très importants qui ont été découverts, en particulier ce fameux crâne connu sous le surnom de Misplace, STS-5, et quantité de fossiles. Les fouilles à Sterkfontein ont duré très très longtemps, et il y a encore des recherches qui sont menées encore aujourd'hui à Sterkfontein. Alors, entre-temps, en 1951, Sherwood Washburn et Brian Patterson ont proposé dans un court article à Nature de simplifier un petit peu la taxonomie de ces formes sud-africaines et de rassembler dans un seul genre, Australopithecus, tout ce que l'on connaissait comme forme gracile d'Australopithèque. Donc, exit Plesiantropus à ce moment-là. Et puis, plus tard, au cours des années, on a eu tendance à incorporer dans Australopithecus, non seulement Australopithecus africanus, mais aussi donc Transvalensis, et puis cette espèce Australopithecus prometheus, je vous en ai parlé lors de mon premier cours, qui avait été découverte à Macapansgat, décrite par Dart, et donc on a eu tendance à rassembler sous un même nom d'espèce Australopithecus africanus toutes ces formes. Vous allez voir que tout le monde n'est pas d'accord avec le rassemblement de toutes ces pièces. Alors, les fouilles à Sterkfontein, je disais, ont continué pendant des années. Les fossiles de Sterkfontein représentent un des plus grands ensembles de fossiles pliopléistocènes d'Afrique. Hein. On a découvert plus de 600 fossiles qui sont attribués à Australopithecus africanus, à Sterkfontein. La plupart d'entre eux viennent d'un des membres de cette formation très complexe, qui est le membre 4. Et donc, on a des restes crâniens, des restes de mandibules, des restes dentaires, et puis surtout, on a aussi des restes post-crâniens, donc toutes sortes d'éléments du squelette qui ont été accumulés là. Et on a même un squelette partiel d'un individu, en tout cas, une colonne vertébrale, des côtes, bassin et fémur, d'un spécimen qui a été baptisé Sterkfontein 14 et qui nous donne beaucoup d'informations sur l'allure que pouvait avoir un de ces individus. Alors, le membre 4 de Sterkfontein, les dernières datations dont on dispose, c'est une publication qui date de 2018, ce sont des datations uranium-plomb qui sont produits dans des spéléothèmes qui, dans le fond, encadrent ces dépôts. Et on est essentiellement, pour le membre 4, entre 2006 et 2003, avec quand même des australopithèques qui ont été trouvés dans des parties plus anciennes des dépôts de Sterkfontein, en particulier... ici, on a autour de 3 millions d'années, un peu avant 3 millions d'années essentiellement, des dépôts qui viendraient de la grotte Silberberg. Et puis, la question se pose de savoir de quand datent les derniers australopithèques de Sterkfontein. Est-ce qu'on a des choses au-delà de 2,3 millions, plus près de 2 millions ? Vous verrez que on a un autre site en Afrique du Sud, qui est le site de Malapa, où on a sans doute une version finale de ces Australopithèques africanus autour de 2 millions d'années. Donc voilà à peu près dans quel cadre chronologique on évolue. Donc cet Australopithèque africanus, voyons un petit peu comment il se différencie des Australopithèques que nous avons vus en Afrique du Sud. Et pour tout dire, lorsque les Australopithèques de l'Afar et l'espèce Afarensis, vous vous souvenez, qui a été créée en 1978, eh bien, quand ces formes ont été publiées, eh bien, certains, et en particulier un paléontologue sud-africain très fameux, qui s'appelait Philippe Tobias, eh bien, dans le fond, on critiquait les auteurs qui avaient créé cette nouvelle espèce, avec l'argument suivant lequel ces fossiles est-africains de la dépression de l'Afar, eh bien, en fait, ressemblaient quand même beaucoup aux Australopithecus africanus qui avaient été découverts et décrits depuis longtemps en Afrique du Sud. Alors évidemment, il y a un petit côté bataille de clochers là-dedans, hein, c'est-à-dire que les gens qui travaillaient en Afrique de l'Est voyaient dans les formes est-africaines l'origine de tas de choses, y compris du genre Homo, alors que pendant longtemps, on a cru qu'Australopithecus africanus faisait un ancêtre raisonnable des premiers représentants du genre Homo, et en particulier d'Homo habilis. Et Philippe Tobias avait été un des auteurs qui était à l'origine de la création du terme Homo habilis, et donc il avait un schéma évolutif dans lequel Australopithecus africanus tenait une place importante. Et donc Philippe Tobias était assez critique par rapport à la création du terme Australopithecus afarensis, et il n'y voyait qu'une sorte de... il voyait dans ces fossiles d'Adar une sorte de variation régionale, peut-être chronologique, d'Australopithecus africanus. Alors, en réalité, on a quand même des différences assez importantes entre Australopithecus afarensis et Australopithecus africanus, même si, quelque part, il doit y avoir un lien phylogénétique entre ces formes qui probablement dérive d'un ancêtre commun. Hein. Disons qu'une des hypothèses, c'est qu'Australopithecus africanus s'enracine quelque part le long de la lignée qui va d'Australopithecus anamensis à Australopithecus afarensis, mais c'est une des hypothèses. Alors tout d'abord, afarensis, donc qui, du point de vue date, est quand même légèrement plus ancien que la plupart des africanus, hein. Eh bien, montre des relations entre face et boîte crânienne qui sont quand même assez différentes de ce qu'on observe chez Australopithecus africanus, avec un prognathisme qui est plus marqué. Africanus a une face assez large, mais surtout avec une concavité très très marquée. Et puis surtout, vous voyez que la boîte crânienne d'Australopithecus africanus a tendance à être plus arrondi, à venir un peu plus en surplomb par rapport à la face, avec un front qui est un peu plus arrondi. Les crêtes nucales sur lesquelles les muscles nucaux viennent s'insérer sont moins développées que celles que l'on a chez Australopithecus afarensis. Puis il y a aussi des différences mandibulaires qui sont assez importantes. Mais alors c'est surtout sur les caractères dentaires qu'on voit des différences très, très nettes. Voilà ici à gauche un palais d'Australopithecus afarensis et à droite un palais d'un Australopithecus africanus de Sterkfontein. Donc vous voyez d'abord que la forme générale de l'arcade dentaire est assez différente, c'est-à-dire que Australopithecus afarensis a conservé une forme en U, beaucoup plus marquée que celle que l'on observe chez Africanus, qui a tendance à être plus parabolique, plus ouverte vers l'arrière. Et évidemment, ce caractère d'arcade dentaire en U chez Afarensis, c'est quelque chose qui évoque un peu les grands singes, hein, d'une certaine façon. Là, on a quelque chose qui est plus, entre guillemets, humain. Autre différence assez importante, les canines, Les canines, c'est quelque chose qui se réduit de plus en plus chez les hominines. Hein. C'est une caractéristique très, très importante des hominines. Ne vous laissez pas impressionner par la canine droite, ici, qui est sortie de son alvéole, hein, qui n'est pas en place. Donc, la bonne, c'est celle qui est indiquée par la flèche bleue. Donc, la canine d'Afarensis est quand même plus saillante que celle que l'on observe chez Africanus. Et d'une façon générale, chez Africanus, on a une tendance à la réduction de la denture antérieure, alors que chez Afarensis, vous voyez que, en particulier, les incisives centrales supérieures sont assez larges, assez développées. Autre différence, chez Afarensis, on a ici ce petit espace entre canine et incisive supérieure latérale, qui est un diastème qui permet à la pointe de la canine inférieure de venir trouver sa place. Et ça, c'est un caractère qui est très rare, qui a quasiment disparu chez Africanus. Et puis, dernier caractère qui est assez important, c'est qu'on a... alors, si on a une réduction de la denture antérieure chez Africanus, on a, pour les dents post-canines, c'est-à-dire les prémolaires et les molaires, au contraire, une augmentation de taille, une augmentation de la surface. Et ça, c'est un caractère qu'on va voir s'affirmer de plus en plus chez les australopithèques au cours du temps. Et les formes robustes que nous verrons la semaine prochaine exagéreront ce caractère de façon tout à fait remarquable. Donc, du point de vue dentaire, on a quelque chose qui est quand même, je dirais, plus primitif chez Afarensis et qui est plus dérivé chez Africanus. Alors, dérivé, ça ne veut pas dire forcément plus proche du genre homo, hein, mais disons plus évolué, notamment cette augmentation de la taille des molaires. Du point de vue du squelette postcrânien, on a un squelette postcrânien qui ressemble beaucoup quand même à celui d'Australopithecus afarensis, à des tas de points de vue. Disons qu'il y a moins de différence dans le squelette postcrânien qu'il n'y en a dans la denture ou dans la morphologie crânio-faciale. Mais il y a quand même quelques petites différences. Alors d'abord, avec tous les éléments squelettiques qu'on a découverts à Sterkfontein, on peut se faire une idée de la taille moyenne de ces Australopithecus afarensis, environ 1,38 m pour 41 kg en moyenne pour les mâles et 1,15 m pour 30 kg en moyenne pour les femelles. Donc un dimorphisme sexuel a une différence quand même assez marquée entre mâles et femelles, avec en moyenne à peu près 25% de poids en moins pour les femelles. C'est un dimorphisme sexuel qui est présent, qui est clair, mais qui est moins marqué que ce que l'on a chez Afarensis. Alors sur les crânes, on a des crânes de mâles d'Africanus qui sont quand même assez robustes, avec des crêtes d'insertion des muscles temporaux qui sont assez marquées, qui donnent l'impression que chez certains individus, on devait même avoir peut-être une petite crête sagittale. En tout cas, pas des différences aussi spectaculaires que ce qu'on a chez Afarensis. Alors, curieusement, les proportions du corps et surtout les proportions des membres sont un peu moins humaines que celles qu'on avait chez Afarensis. Quand je dis moins humaines, je veux dire que la longueur du membre supérieur par rapport au membre inférieur est assez importante chez Africanus, plus que chez Afarensis. Il y a des petites curiosités, notamment la présence de 6 vertèbres lombaires qu'on peut définir fonctionnellement, alors que typiquement chez l'homme c'est 5 et que chez les grands singes c'est plutôt 3 ou 4. Et il semble que cette structure de 6 vertèbres lombaires, ça soit un caractère plutôt primitif. Enfin, on a des traits des membres qui vont avec ces proportions un peu plus proches de celles des grands singes que celles d'Afarensis. Le tibia est assez ressemble un peu à celui d'un grand singe par certains caractères. On a un gros orteil au pied qui est un petit peu plus écarté que celui d'Afarensis, mais vous vous souvenez qu'on a au moins un cas d'un pied très bizarre en Afrique de l'Est avec un hallux qui est complètement divergent. Et on a des mains qui ont retenu, alors ça c'est un petit peu comme sur Afarensis, des phalanges courbées qui indiquent probablement une fréquentation assez régulière des arbres et des crêtes d'insertion pour les muscles qui sont les muscles qui commandent ces phalanges, qui ont des crêtes très développées qui permettent donc la saisie très solide de ces de branches dans les arbres. Alors du point de vue de l'environnement et des ressources alimentaires de ces Australopithecus africanus, on peut regarder encore une fois les compositions isotopiques en carbone 13 que l'on trouve dans des dents de ces différentes espèces. Et on a déjà évoqué ce point avec les formes est-africaines. On a au cours du temps une tendance à un passage d'environnements qui sont des environnements relativement arborés à des environnements de plus en plus ouverts, de plus en plus secs, avec des conséquences sur l'alimentation. Alors, encore une fois, le carbone 13 ne nous dit pas exactement ce qu'on mange, mais il nous dit dans quelle chaîne s'enracinent les éléments qui constituent les ressources alimentaires. Alors, quand on regarde ce qui se passe avec Africanus, on a en fait une très, très grande diversité d'environnements qui semblent représentés dans les sources d'alimentation d'Africanus. Donc, on peut penser que ce sont des formes qui, dans le fond, exploitent des milieux très, très différents. Mais, dans le fond, rappelez-vous ce que je vous ai dit à propos des carnivores du membre 4 de Sterkfontein. Ça, c'est un cumul d'Australopithèque africanus de toutes sortes de périodes. Et dans le fond, à un moment T, il est peu probable que ces Australopithèques aient exploité des milieux aussi différents que ceux qui sont représentés par ces valeurs isotopiques. Ce que nous dit peut-être ce que nous disent ces mesures, c'est peut-être plutôt que c'est une espèce qui a été exposé à des variations de l'environnement très très importantes et qui, au fil du temps, ma foi, est passé avec des allers-retours d'environnements relativement arborés à des environnements beaucoup plus ouverts et beaucoup plus secs. Alors, dans cet ordre d'idées, on a publié, il n'y a pas très longtemps, l'année dernière, une étude très intéressante qui est une étude sur l'évolution de l'alimentation des très jeunes Australopithèques. Alors, on peut explorer ces changements alimentaires en regardant comment un certain nombre d'éléments rares, comme le lithium, le strontium, le barium, sont représentés dans les tissus dentaires. Les tissus dentaires, ils se forment par accrétion au cours du temps. D'abord essentiellement la couronne d'émail et puis ensuite la racine dentaire, la dentine qui est en dessous. Et cette formation par accrétion, dans le fond, fossilise des conditions présentes au moment où se forment ces tissus. Et ensuite, comme ce sont des tissus qui représentent des milieux fermés, et donc ce signal chimique va rester en quelque sorte fixé dans les tissus. Et quand on regarde la variation de ces éléments, en particulier dans la dentine ici d'une canine d'un Australopithèque africanus. Donc, c'est une dent qui a commencé à se développer déjà à la naissance et qui a continué ensuite pendant assez longtemps. Et on peut faire ça pas seulement sur la canine, mais sur toutes les dents. Eh bien, ce qu'on observe sont des choses assez curieuses. D'abord, une espèce de zonation qui suggère des variations saisonnières de l'alimentation de ces très jeunes australopithèques. Et l'étude qui a été menée par cette équipe a conclu une observation assez surprenante. D'abord, le fait que l'allaitement durait très longtemps chez ces australopithèques, avec d'abord un allaitement exclusif pendant peut-être un an et demi, quelque chose comme ça. Alors, je vous rappelle que chez les hommes, dès 6 mois, les bébés commencent à être sevrés. Enfin, en tout cas, on commence à leur donner un peu d'alimentation solide. Et l'ensemble du processus dure environ 2 ans et demi, quelque chose comme ça. Eh bien, chez ces australopithèques, on a un processus de ce type-là, mais qui s'étale sur une beaucoup plus longue période de temps, peut-être 5 ou 6 ans, avec des allers-retours entre de l'allaitement et puis une nourriture solide. Et cette nourriture solide et cet allaitement alternent peut-être en fonction de la pénurie de nourriture que ces australopithèques ont pu rencontrer au fil des saisons dans leur environnement. Alors c'est un phénomène qu'on connaît chez d'autres espèces, en particulier chez les orangs-outans. On a aussi ces allers-retours entre nourriture solide et allaitement pendant une très très longue période de temps, de plusieurs années, 6 ans et plus, en fonction de ce qui est disponible dans l'environnement. C'est-à-dire que quand, dans le fond, les petits n'ont pas assez à manger de nourriture solide, eh bien, ils reviennent vers le sein maternel. Donc on a quelque chose comme ça chez ces australopithèques. Mais ça nous donne une image quand même d'une forme de stress, dans le fond, alimentaire, saisonnier pour cette espèce. Alors revenons à cette espèce Australopithecus prometheus qui avait été décrite par Dart en 1948 et dont je vous ai dit qu'elle avait été incorporée dans Africanus. Donc, à un moment donné, on a décidé que tous les Australopithèques, entre guillemets, graciles d'Afrique du Sud, appartenaient à l'espèce Africanus. Alors cette espèce prometheus, elle a été formée à partir de la description de restes qui venaient de Macapans Gate. Bon, ces restes étaient des restes relativement peu nombreux, essentiellement un arrière-crâne, un occipital avec des morceaux de pariétaux et puis une mandibule. Et quand Dart a créé cette espèce en 48, dans le fond, il se rendait bien compte que les différences anatomique avec son africanus était relativement subtil, qu'en fait, ça ressemblait quand même beaucoup sur le plan anatomique, mais Dart était très impressionné par le fait qu'il croyait avoir découvert à Macapans Gat des traces de feu. On sait aujourd'hui qu'il s'agit d'oxyde métallique qui n'ont rien à voir avec le feu. Et puis, Dart avait aussi décrit ce qu'il appelait une culture ostéodonto-kératique, c'est-à-dire l'utilisation par ces australopithèques d'os, de dents, de cornes, de bovidés comme outil et comme arme. Et donc, il voyait dans ces formes de Macapans Gat quelque chose de plus humain, plus élaboré du point de vue du comportement, y compris l'utilisation du feu, que ce qui avait été décrit chez l'Australopithecus africanus. Et c'est bien d'ailleurs ce qu'il a exprimé dans ce terme de Prometheus. Alors Prometheus a été un petit peu mis en sommeil, je vous ai dit, à partir des années 60-70, puisqu'on a eu tendance à tout incorporer dans Africanus. Mais Prometheus, récemment, a fait une sorte de comeback. Et ça a commencé à la fin des années 88 avec les travaux d'un paléanthropologue qui a beaucoup travaillé à Sterkfontein ces dernières années, qui s'appelle Ron Clark. Et Ronald Clark a publié en 1988 un crâne découvert à Sterkfontein qui s'appelle STW-252. Et il a décrit ce... Alors, ce crâne, il n'est pas très bien conservé. Enfin, la voûte crânienne est assez fragmentaire, il y a quelques éléments de face, mais la denture, par contre, est relativement complète. Et donc, dans la reconstitution de cet australopithèque de Sterkfontein, Ron Clark a reconnu des caractères, en particulier dans la région faciale, la région nasale, des caractères qui semblaient évoquer ces australopithèques robustes, ces paranthropes dont on va parler la semaine prochaine. Donc, il voyait dans ce nouveau crâne d'australopithèque un ancêtre possible de Paranthropus robustus, encore une fois, fondé sur ses caractères faciaux, fondé aussi sur le fait que les dents postcanines sur cet individu sont très très grandes. Et je vous ai dit que c'est un caractère qu'on a chez Africanus, mais qui s'affirme encore plus chez les paranthropes. Mais en même temps, il y avait quand même des caractères qui ne collaient pas vraiment avec cette parenté avec les paranthropes, et notamment le fait que les dents antérieures d'STW-252 sont, comme vous le voyez, des dents assez... des incisives assez larges, alors que chez les paranthropes, eh bien, la réduction de la denture antérieure est encore plus marquée que chez Australopithecus africanus. Et donc, au fil du temps, Ron Clark en est venu à penser qu'il y avait à Sterkfontein, en fait, deux groupes d'Australopithèques. Un groupe qui avait un relief susorbitaire, enfin un bourrelet susorbitaire assez épais, et puis un squelette nasal assez saillant. Donc ça, c'était les Australopithecus africanus. Et puis à côté de ça, un autre groupe, une autre espèce, avec des dents, en particulier des dents postcanines beaucoup plus grandes, un bourrelet susorbitaire beaucoup plus fin, et puis une face beaucoup plus concave, beaucoup plus plate et concave. Voilà ici une comparaison entre STW-252 ici en haut et un Australopithecus africanus. Et donc, Ron Clark a beaucoup insisté sur cette accentuation de la concavité de la face. Et donc... il en est venu à penser qu'on avait deux espèces d'Australopithèques à Sterkfontein, que la seconde espèce était, donc celle-ci, était l'ancêtre de Paranthropus, et il a ajouté à ces nouvelles pièces de Sterkfontein eh bien, les fossiles qui avaient été décrits par Dart à Macapansgat, et il a proposé de reprendre le terme Australopithecus Prometheus pour cette autre espèce qui aurait vécu à côté d'Australopithecus africanus. Alors, dès ce moment-là, il y a eu énormément de discussions. Pourquoi ? Ben parce que ce n'est pas très évident d'imaginer deux espèces d'Australopithecus graciles vivant dans les mêmes sites, aux mêmes époques, en Afrique du Sud. Encore que vous vous souvenez qu'en Afrique de l'Est, on a vu qu'il y a une diversité des Australopithèques qui peut être assez surprenante. Alors, cette affaire d'Australopithecus Prometheus a rebondi beaucoup plus tard avec, dans les années 90, la découverte de ce fossile. Alors, ce fossile, c'est un pied, enfin, quelques os d'un pied gauche qui ont été découverts dans des circonstances tout à fait exceptionnelles. En fait, Ron Clark triait de la faune des fragments osseux qui venaient de la cavité Silbelberg-Grotto, cette cavité qui est adjacente à la cavité principale de Sterkfontein. Et en triant ces restes de faune qui avaient été mis de côté, il a reconnu des éléments qui étaient clairement les éléments d'un pied d'hominine dont on pouvait faire une reconstitution. Et vous voyez, c'est un pied, je vous ai parlé tout à l'heure de cette divergence de la luxe, du gros orteil, qui est assez net. Ce fossile a été décrit et il est rentré dans la littérature sur le nom de Littlefoot, petit pied. Pourquoi ? Parce que la taille de ces éléments était assez modeste. Mais ce Littlefoot était quand même quelque chose qui intriguait beaucoup. Et dans les années qui suivirent, Ron Clark a découvert d'autres restes de pieds qui évoquait ce Littlefoot. On a complété graduellement ce tableau des pieds de Littlefoot. Et parmi ces restes, il a fini par trouver un fragment de tibia droit, de la partie inférieure du tibia, qui s'articulait sur un de ces pieds. Et donc, on avait là quelque chose qui était tout à fait intriguant du point de vue anatomique, et alors qui excitait d'autant plus l'imagination qu'on pensait que... Ron Clark pensait que ces dépôts qui venaient de cette cavité pouvaient être l'équivalent du membre 2, donc d'une partie très ancienne de Sterkfontein, donc peut-être l'australopithèque le plus ancien. Alors, en 1997, il a eu l'idée d'envoyer ces deux préparateurs dans la cavité de laquelle provenaient tous ces fragments de faune qu'il était en train de trier. Il leur a donné ce bout de tibia, donc un fragment osseux comme ça, et il les a envoyés dans cette cavité qui est quand même assez immense, avec une torche électrique, en leur disant, regardez dans les parois de brèches qui sont encore à nu, est-ce que dans ces parois, vous ne voyez pas briser l'autre fragment de ce tibia? Et alors, miracle, en moins de deux jours, ces deux préparateurs qui passaient leur temps à nettoyer des fossiles, ont repéré dans un fragment de brèche les sections des deux tibias correspondant à la continuation des fragments qui avaient été découverts par Ron Clark dans tout cet amas de faune, et aussi d'une fibula, et tout ça dans une position anatomique qui suggérait qu'on avait, en fait, on avait déjà les pieds, mais on avait les jambes et peut-être le squelette complet d'un australopithèque gisant, face vers le bas, conservé dans ce bloc de brèche. Alors, cette histoire de la fouille, de la découverte de Littlefoot, ça a été une saga qui a duré pendant des années et des années. Nos deux préparateurs ont repéré ces fragments de tibia et de fibula dans la brèche de la grotte en 1997. La fouille elle-même de ce spécimen qui va être mis au jour graduellement va durer jusqu'en 2012, donc ça a duré quand même pas mal d'années. Bon, moi j'ai eu la chance de me rendre en Afrique du Sud, de voir le spécimen en place, donc c'était vraiment de l'orfèvrerie. Ces gens-là nettoyaient grain par grain ce squelette, qui est un squelette alors en connexion, mais plus ou moins quand même dérangé par des mouvements de blocs. Donc on a découvert graduellement tous les éléments du squelette, y compris le crâne et la mandibule. Et puis ensuite, le squelette a été retiré du site, emmené en laboratoire, et les travaux ont continué encore et encore. Et c'est dans les années 2019 qu'on a commencé à voir des descriptions de ce squelette qui est très spectaculaire. Alors, tout le monde connaît le squelette de Lucie, qui était le premier squelette partiel assez complet d'Australopithèque découvert. Vous voyez que là, on est avec quelque chose qui est beaucoup plus complet. On a pratiquement tous les éléments du squelette qui sont conservés. Alors malheureusement, c'est quand même très déformé, très fracturé, mais on peut se faire une idée de ce... De l'entièreté de l'anatomie de cet Australopithèque. Les travaux, je vous ai dit, il y a eu des publications là, ces derniers mois, ces dernières années, sur ce Littlefoot. En fait, j'allais dire, l'aventure ne fait que commencer, bien qu'elle dure depuis 1997, et je ne doute pas que dans les années qui viennent, on va avoir de nombreux travaux, de nombreux résultats publiés sur ce squelette. Alors, la datation de ce Littlefoot a donné lieu à des débats, des controverses interminables. Il y a eu une datation qui a été faite avec ces fameux éléments d'origine cosmogénique, beryllium 10, aluminium 26, de la brèche, et qui a donné 4 millions d'années. Alors, 4 millions d'années, c'était beaucoup plus vieux que tout ce qu'on connaissait en Afrique du Sud, et en particulier à Sterkfontein à cette époque-là. Et donc, c'est une datation qui a été extrêmement contestée. Pourquoi ? Parce qu'on avait des datations des planchers stalagmitiques qui étaient des datations beaucoup plus récentes, 2 millions d'années et moins même, donc qui ne collaient pas. Donc il y a eu une succession d'essais, on a utilisé du paléomagnétisme, on a utilisé à nouveau des datations fondées sur ces nucléotides cosmogéniques, et puis on a refait encore de l'uranium-plomb sur des spéléothèmes. Donc en gros, la situation actuelle, c'est qu'on a eu en 2015 une publication attribuant un âge de presque 3,7 millions d'années à la brèche qui contient Littlefoot, avec l'argument suivant lequel toutes les dates qui avaient été produites par uranium-plomb et qui étaient beaucoup plus récentes ne pouvaient pas être utilisées. Pourquoi ? Parce que, en particulier, c'est un travail de Laurent Bruxelles, de l'INRAP, eh bien, ces spéléothèmes, c'était des spéléothèmes qui étaient intrusifs. Et donc, vous voyez, le problème de dater les spéléothèmes, c'est que dans une cavité où il y a eu déjà des dissolutions, des mouvements de sédiments, s'il y a un dépôt de calcite apporté par l'eau qui se produit, cette calcite peut aller se mettre dans des cavités qui se trouvent sous des surplombs avec des dépôts de brèches. Enfin bref, une géométrie assez compliquée des dépôts. Donc, on a eu cette date de presque 3,7 millions d'années. Et puis, en 2018, donc trois ans après, les gens qui avaient déjà travaillé sur les datations uranium-plomb à Sterkfontein sont revenus. Ils ont refait des dates dans la grotte, y compris dans cette cavité-là. Et donc, ces gens-là, eux, sont venus refaire des dates et ils ont produit une étude montrant que les spéléothèmes les plus anciens qu'on connaissait dans tout le système karstique de Sterkfontein avaient 3 millions d'eux et que donc, en gros, ils ne croyaient pas à cette date fondée sur les éléments cosmogéniques. Et eux, ils sont plutôt en faveur d'une date autour de 2,8 millions pour Littlefoot. Donc vous voyez que ce n'est pas du tout évident d'obtenir des dates pour ces fossiles. Alors, les publications, il y en a eu plusieurs dans les derniers mois, dernières années. En particulier, il y a une publication par Ron Clark et Kathleen Kuman qui est paru en 2019 sur le crâne et la mandibule de Littlefoot. Et c'est une publication assez importante parce qu'elle synthétise un petit peu toutes les idées, non seulement qu'on peut avoir sur Littlefoot, mais sur cette histoire de deux espèces d'Australopithèque à Sterkfontein ou pas. Vous voyez que le crâne, quand même, est très complet, mais il est quand même assez fortement déformé. La mandibule est soudée au crâne, vraiment, par les sédiments, mais on peut se faire une idée assez bonne de la morphologie dentaire. Les dents sont très bien conservées grâce à des microscanners, de la tomographie à rayon X, hein, informatisée de ces dents, avec un dégagement virtuel. Et cette publication a, si je peux dire, ravivé la flamme sous le débat Prométhéeus existe-t-il ou pas. Alors voilà une liste que vous ne pouvez pas lire, mais qui est quand même impressionnante, qui est une liste de fossiles qui, pour la plupart, étaient attribués à Australopithecus africanus, venant de Sterkfontein, mais d'autres sites aussi, en particulier de Macapans Gat. Et donc, dans cette étude de Clark et Kuhmann, les auteurs ont réattribué toutes ces formes, soit à Africanus, soit à Prométhéeus. Et donc, en renforçant cette idée qu'on avait deux espèces, ils ont essayé d'argumenter ça sur un certain nombre de traits anatomiques. Alors, sans vous les énumérer tous, quelques-uns sur lesquels les auteurs ont particulièrement mis l'accent. Les parois crâniennes de Prométhéeus, en tout cas de Littlefoot et de STW-252, sont des parois qui seraient plus verticales que les parois crâniennes latérales d'Australopithecus africanus. Et ça se traduit dans ces mesures qui comparent la largeur du crâne au niveau des pariétaux et la largeur du crâne plutôt vers la base, avec peu de différence chez des formes qui sont attribuées par les auteurs à Australopithecus prométhéeus, et puis au contraire, des différences très importantes chez Sterkfontein 5, Misplace, d'autres Australopithecus africanus et aussi chez Australopithecus afarensis. Ensuite, autre caractère sur lequel les auteurs ont insisté, la forme de la face. Vous vous souvenez que STW 252, c'était un crâne qui paraissait évoquer l'origine des paranthropes. Eh bien, voilà un caractère, l'espace interorbitaire, donc la racine du nez, qui est beaucoup plus large chez les formes qui sont attribuées à Australopithecus prométhéeus, comme chez les paranthropes, ici Swartkranz 48. Alors qu'au contraire, chez des Australopithecus africanus, on a un espace interorbitaire beaucoup plus étroit. Et puis, évidemment, beaucoup de discussions aussi sur la denture, avec un palais beaucoup plus allongé, hein, et des dents post-canines très grandes chez les pièces qui sont attribuées à Australopithecus Prométhéeus comparé à Australopithecus africanus. Alors malgré tout, ces caractères qui ont été utilisés par les auteurs ne marchent pas toujours très très bien. Et si l'on prend l'arcade dentaire, le palais de Littlefoot, reconstitué grâce à cette imagerie par microscanner, vous voyez qu'on a une arcade dentaire qui correspond plus à ce qu'on a chez Africanus que ce qu'on a chez ce fameux fossile STW-252. Donc là, on aurait deux pièces qui appartiendraient toutes les deux à Australopithecus prométhéeus, mais dont l'une, dans le fond, a une arcade dentaire qui ressemble plutôt à celle d'un Africanus. Et ça a été, et d'autres caractères, l'origine de beaucoup de critiques de ce travail. Autre trait sur lequel les auteurs ont insisté, c'est l'usure particulière de la denture chez ces formes qu'ils attribuent à Prométhéeus, quelque chose qui évoque un petit peu une situation qu'on avait chez Australopithecus anamensis, c'est-à-dire une usure très importante de la partie antérieure de la denture, avec une usure en biseau des dents. Vous voyez, les dents antérieures sont vraiment très abrasées et forment vraiment des plans obliques. En même temps, des canines qui sont des canines avec des racines plus importantes, une morphologie un petit peu particulière avec un sillon ici qui est développé sur le côté mésial des dents, qui suggère qu'on a quand même des canines qui sont peut-être utilisées à des fins un peu particulières du point de vue de l'alimentation chez ces formes attribuées à Prométhéeus. Alors, l'idée qui a été proposée par les auteurs, c'est qu'on a peut-être, comme chez les gorilles, des espèces qui utilisent leur denture intérieure pour décortiquer des tiges de végétaux ou pour arracher l'écorce de branches pour atteindre des larves, quelque chose comme ça. Alors pourquoi cette étude de Ron Clark et de Kuhmann ont été critiquées? Eh bien, parce que dans le fond, on leur a dit que dans le fond, ils ne testaient pas réellement explicitement le schéma taxonomique qu'ils proposaient, c'est-à-dire cette division en deux espèces. C'est-à-dire que ils supposaient au départ qu'il y avait une division, ils choisissaient des caractères, et puis ensuite ils attribuaient les fossiles qu'ils avaient sous la main dans une boîte ou dans l'autre. Et donc ça, évidemment, c'est un petit peu arbitraire, parce qu'on peut très bien, et c'est, je pense, l'avis de beaucoup de gens, avoir une grande variabilité au sein de ces Africanus, surtout s'ils couvrent une période de temps assez longue. Et donc, en choisissant des spécimens, eh bien, on arrive, en prenant des formes extrêmes, eh bien, à reconnaître un peu artificiellement deux espèces. Et donc, disons que, d'une façon générale, la cohérence de ces caractéristiques n'est pas apparue de façon très claire à beaucoup de collègues. Et je pense que la majorité continue à penser qu'il n'y a qu'une seule espèce d'Australopithecus gracile, d'Australopithèque gracile à Sterkfontein et dans les autres sites sud-africains, et que c'est Australopithecus africanus. Alors pour terminer, je voudrais vous dire quelques mots d'un autre site. Alors, Littlefoot, c'était peut-être une forme ancienne d'Australopithecus africanus, donc Ron Clark veut appeler Prométhéeus. Là, maintenant, on va aller vers le présent. Et on va regarder ce qui se passe vraiment à la fin de cette lignée des Australopithèques graciles en Afrique du Sud. Et on va aller dans un site qui s'appelle Malapa, et qui est un site qui se trouve au nord de ce fameux berceau de l'humanité, hein, près de Johannesburg. Alors, c'est un site qui a été découvert il n'y a pas très longtemps par un paléontologue américain qui s'appelle Lieberger. Et Lieberger, qui est très actif, qui a exploré toutes sortes d'endroits où les carbonates ont été exploités par les gens qui recherchaient donc de la... Ce site de Malapa a été découvert par un paléontologue américain qui s'appelle Lieberger, qui travaille en Afrique du Sud depuis pas mal d'années, qui explore beaucoup de ces cavités où on a exploité le calcaire. Vous vous souvenez, les mineurs qui utilisaient ça pour la préparation du minerai aurifère. Et donc, un jour, avec son fils, il a exploré une de ces cavités à Malapa, et le petit garçon a trouvé la première pièce d'un de ces fossiles. Ça a donné lieu à toute une une série d'études dans le site qui ont abouti à la mise au jour de deux squelettes partiels de deux individus remarquablement bien conservés. Alors, ce site de Malapa, il est intéressant à des tas de titres. D'abord, c'est extraordinaire de découvrir des fossiles aussi complets. Les ossements sont très, très bien conservés. Et dans un certain nombre de cas, on a même des os qui sont en connexion. Donc, on a une situation qui est quand même très différente de celle qu'on trouve dans la plupart des sites à Australopithèque sud-africain. Ces sites sud-africains, on pense que l'essentiel de l'accumulation de restes d'hominines dans ces cavités, ce sont les carnivores qui les ont amenés, c'est-à-dire ces hominines étaient la proie, notamment de félidés, et donc ils terminaient dans la tanière de ces félidés ou pas loin. Et de ce fait, dans la plupart des sites, on a des restes qui sont très fragmentaires. Alors là, à Malapa, c'est une situation très différente, d'ailleurs qui rappelle un peu la situation de Littlefoot. Il s'agit probablement d'individus qui sont tombés dans une de ces cheminées dont je vous ai parlé, vous savez, quand ces cavités karstiques s'ouvrent vers le haut, qui sont tombés quelque part dans une cavité. Soit ils ont été tués sur le coup, soit ils sont morts de faim et de soif parce qu'ils ne pouvaient plus ressortir. Et leur corps a été peut-être plus ou moins momifié avant d'être transporté plus tard, plus bas dans le réseau, et là, d'être rapidement enfoui dans un environnement anaérobie où c'est très très bien conservé. Donc on a vraiment une conservation tout à fait exceptionnelle de ces fossiles. Du point de vue de l'âge, on est très très près de 2 millions d'années. On est à 1,98 million d'années, date qui a été établie. Alors bon, on peut toujours discuter les dates, mais là c'est une date qui a été établie en combinant de la biochronologie, du paléomagnétisme et des datations uranium-plomb à nouveau. Et donc, ce sont des restes tout à fait remarquables. Alors, quand Lieberger a publié ces restes en 2010, eh bien, il a insisté sur le fait que, en particulier, le crâne de Malapa 1, qui est un adolescent mâle, alors que l'autre squelette est probablement un squelette d'une femelle adulte, squelette partiel. Donc ce crâne de Malapa 1 présentait des caractères qui, par certains traits, évoquaient le genre homo. Et donc, en gros, le fossile de Malapa a été vendu au début, un petit peu comme, pas qu'au début, il a continué à être vendu comme un ancêtre possible du genre homo. Alors, ça posait un certain nombre de problèmes. D'abord, si ces fossiles ont 1,98 million d'années, ils sont postérieurs aux plus anciens homo que l'on connaisse. Donc, en tout cas, ceux-là, il est peu probable que ce soit les ancêtres des premiers homo connus en Afrique de l'Est ou en Afrique du Sud. Cela étant dit, c'est une espèce qui a pu exister pendant une période assez longue, et là on aurait, si je peux dire, pêché les représentants les plus tardifs, mais elle a pu exister avant. Mais surtout, en fait, cette interprétation a rencontré un certain scepticisme. Pourquoi ? Parce que, en fait, beaucoup des caractères de cet Australopithèque, dans le fond, collé assez bien avec une relation directe avec Africanus. Alors, il a été appelé Australopithecus sediba, donc on lui a donné un nom d'espèce propre, différent d'Australopithecus africanus, mais pour beaucoup, c'est la continuation de cette lignée d'Australopithèque gracile sud-africain. Alors, il a des caractères tout à fait particuliers. Bon, les caractères qui ont rappeler, si je peux dire, le genre homo, sont des caractères qui tiennent surtout à la morphologie faciale, je vous en dirai un mot dans un instant, mais aussi la denture et puis l'anatomie de la mandibule. Alors, la denture, c'est une denture qui est relativement réduite par rapport à ce que l'on trouve chez les Australopithecus africanus, et ça, c'est assez, je dirais, surprenant. Pourquoi ? Parce que, d'une façon générale, chez les Australopithèques, et surtout chez les paranthropes, on a une tendance à l'augmentation de la denture post-canine au cours de l'évolution. Et là, ça n'est pas le cas. Alors, on a aussi cette réduction de la canine qu'on voit constamment. La mandibule, elle aussi, a des relativement gracile par rapport à ce qu'on a chez les Australopithèques, chez Australopithecus africanus. Mais en même temps, il y a des caractères primitifs. Alors, cette histoire de face, en fait, il est probable qu'une partie des caractères de Malapa 1, de ce crâne le plus complet du gisement de Malapa, sont liés au fait qu'on n'a pas un adulte. Sa troisième molaire n'est pas complètement... Elle a commencé à se former, mais elle n'est pas sortie, et on a probablement un adolescent. Et si on regarde, si on fait une analyse morphométrique de la face chez les grands singes et chez les hommes, on a morphologiquement une très très grande séparation évidemment entre les grands singes et les hommes, et on peut surtout regarder ce qui se passe au cours du développement, c'est-à-dire depuis vraiment la petite enfance, avant que la première molaire ne sorte, jusqu'à l'adulte, et vous voyez qu'on a des trajectoires, donc tous ces points représentent des individus qui sont positionnés dans un espace à deux dimensions qui définit leur morphologie. Donc on a des trajectoires de développement légèrement divergentes pour les grands singes et pour les hommes. Et on peut faire le même travail pour les Australopithèques et pour les premiers représentants du genre homo. Et lorsque l'on applique à l'adolescent de Malapa qui se trouve par là, une trajectoire de développement d'homo ou une trajectoire de développement d'australopithèque, on obtient un petit peu le même résultat. Et le résultat, c'est le suivant, c'est qu'au cours de cette simulation de ce qu'aurait été la croissance future jusqu'à un adulte de cet adolescent de Malapa, eh bien, on voit qu'une morphologie de la face qui ressemble beaucoup plus à celle d'un Australopithecus africanus, eh bien, se met en place avec une face qui est plus longue, plus prognate, et puis des caractères aussi différents sur la boîte crânienne. Alors, je vous ai dit qu'il avait aussi, quand même, à côté de ces caractères qui nous paraissent un peu, enfin, qui ont paru aux auteurs qui l'ont publié, plus humains que ceux des Australopithèques, comme la réduction de la denture, il y a quand même des caractères qui sont des caractères assez primitifs, notamment la capacité crânienne, qui est une capacité crânienne assez faible, puisqu'on est à 420 cm3 de capacité crânienne. Alors, les choses les plus remarquables, c'est surtout le squelette post-crânien, je trouve, qui nous le montre. Alors, d'abord, encore une fois, on a la chance d'avoir des squelettes assez complets. Donc, voilà cet adolescent mâle, Malapa 1. Voilà la femelle adulte de Malapa 2. Et ici, au milieu, le squelette de Lucie. Et donc, quand on regarde dans le détail ces squelettes, sur Australopithecus celiba, on voit une mosaïque de caractères qui est une mosaïque tout à fait étonnante et qui laisse perplexe. Pourquoi ? Parce qu'on a certains caractères qui sont des caractères qui carrément évoquent non seulement les Australopithèques, mais même des choses encore plus primitives parfois. Par exemple, la longueur très importante des membres supérieurs par rapport aux membres inférieurs, une épaule qui présente une articulation qui, ma foi, c'est une articulation de, de primates qui se déplacent dans les arbres, hein, au moins à l'occasion, et des bras, hein, encore une fois, des bras et des membres qui évoquent clairement cette possibilité de locomotion arboricole, mais en même temps, des caractères qui sont tout à fait étonnants, et notamment le bassin, qui est un bassin qui est beaucoup plus, entre guillemets, humain que celui qu'on trouve chez Afarensis. Donc voilà ici le bassin reconstitué d'un Australopithecus Afarensis, comparé aux deux bassins de Malapa. Et vous voyez que le bassin de Malapa, c'est un bassin avec des iliomes qui sont beaucoup plus redressés. On a beaucoup moins cet évasement très important qu'on a chez Afarensis. Et tout un tas de détails. Hein, regardez le développement vertical du bassin qui est très différent, la morphologie de la région pubienne. Quelque chose qui évoque, par certains aspects, une bipédie beaucoup plus humaine que celle d'Afarensis. Mais en même temps, des caractères, et même dans la jambe, par exemple le talon, le calcaneum, est relativement primitif. Il évoque Afarensis et même des choses encore plus primitives que ça. Donc une mosaïque tout à fait étonnante. Et dans cette mosaïque, quelque chose de vraiment particulier, les mains. Donc ces mains qui ont encore une fois des phalanges un peu courbées, donc ça facilite la locomotion dans les arbres, mais les proportions des doigts et notamment la longueur du pouce comparée aux autres doigts est très différente de ce qu'on trouve chez les grands singes. Ça ressemble beaucoup à une main humaine avec un pouce allongé qu'on peut facilement opposer aux autres doigts et des phalanges terminales des doigts qui sont des phalanges élargies. Donc tout ça évoque la manipulation d'objets. Je vous ai mis ici la photo de Tracy Kivel, qui travaillait dans mon département à Leipzig en 2011, quand elle a publié cette étude sur ces dibas. On reviendra sur cette question-là lors de mon dernier cours de cette saison, mais on a l'impression quand même que cette évolution dans la direction du genre homo, eh bien, elle se fait non pas seulement chez les ancêtres directs du genre homo, mais probablement dans plusieurs lignées. Donc c'est ce qu'on appelle de l'homoplasie, hein, c'est-à-dire le développement par différentes lignées des mêmes caractères, poussés peut-être un peu par les mêmes pressions de sélection. Et donc on va avoir des formes qui présentent chacune une mosaïque de caractères un petit peu originale. Et pour compléter cette image un petit peu étonnante d'Australopithecus sediba, je vous remontre ce diagramme sur les ressources alimentaires. Et regardez où tombe Australopithecus sediba. Donc bien que ce soit l'Australopithèque le plus tardif qu'on ait en Afrique du Sud, probablement une espèce de queue de lignée d'Africanus, eh bien un environnement qui est un environnement parmi les plus couverts, les plus, je dirais, forestiers, de tous ceux qu'on a pu découvrir chez des hominidés pliopléistocènes africains. Et donc, on a peut-être mis la main sur une espèce qui est adaptée à un mode de vie, un environnement très, très particulier. Donc, la prochaine fois, on poursuivra avec l'analyse des Australopithèques robustes qui, vous allez le voir, montrent eux aussi un chemin évolutif tout à fait original. Je vous remercie. Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur www.college-2-france.fr.